2. Il y a peut-être quelque chose d'artificiel à faire une catégorie spéciale pour le comique de mots, car la plupart des effets comiques que nous avons étudiés jusqu'ici se produisaient déjà par l'intermédiaire du langage. Mais il faut distinguer entre le comique que le langage exprime et celui que le langage crée. Le premier pourrait, à la rigueur, se traduire d'une langue dans une autre, quitte à perdre la plus grande partie de son relief en passant dans une société nouvelle, autre par ses mœurs, par sa littérature et surtout par ses associations d'idées. Mais le second est généralement intraduisible. Il doit ce qu'il est à la structure de la phrase ou au choix des mots. Il ne constate pas, à l'aide du langage, certaines distractions particulières des hommes ou des événements. Il souligne les distractions du langage lui-même. C'est le langage lui-même ici qui devient comique. Il est vrai que les phrases ne se font pas toutes seules, et que si nous rions d'elles, nous pourrons rire de leur auteur par la même occasion. Mais cette dernière condition ne sera pas indispensable. La phrase, le mot, auront ici une force comique indépendante. Et la preuve en est que nous serons embarrassés, dans la plupart des cas, pour dire de qui nous rions, bien que nous sentions confusément parfois qu'il y a quelqu'un en cause. La personne en cause, d'ailleurs, n'est pas toujours celle qui parle. Il y aurait ici une importante distinction à faire entre le spirituel et le comique. Peut-être trouverait-on qu'un mot est dit comique quand il nous fait rire de celui qui le prononce, et spirituel quand il nous fait rire d'un tiers ou rire de nous. Mais le plus souvent, nous ne saurions décider si le mot est comique ou spirituel. Il est risible, simplement. Peut-être aussi faudrait-il, avant d'aller plus loin, examiner de plus près ce qu'on entend par esprit. Car un mot d'esprit nous fait tout au moins sourire, de sorte qu'une étude du rire ne serait pas complète si elle négligeait d'approfondir la nature de l'esprit, d'en éclaircir l'idée. Mais je crains que cette essence très subtile ne soit de celles qui se décomposent à la lumière. Distinguons d'abord deux sens du mot d'esprit, l'un plus large, l'autre plus étroit. Au sens le plus large du mot, il semble qu'on appelle esprit une certaine manière dramatique de penser. Au lieu de manier ses idées comme des symboles indifférents, l'homme d'esprit les voit, les entend et surtout les fait dialoguer entre elles comme des personnes. Il les met en scène et lui-même un peu se met en scène aussi. Un peuple spirituel est aussi un peuple épris du théâtre. Dans l'homme d'esprit, il y a quelque chose du poète. De même que dans le bon liseur, il y a le commencement d'un comédien. Je fais ce rapprochement à dessein, parce qu'on établirait sans peine une proportion entre les quatre termes. Pour bien lire, il suffit de posséder la partie intellectuelle de l'art du comédien. Mais pour bien jouer, il faut être comédien de toute son âme et dans toute sa personne. Ainsi, la création poétique exige un certain oubli de soi, qui n'est pas par où pêche d'ordinaire l'homme d'esprit. Celui-ci transparaît plus ou moins derrière ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il ne s'y absorbe pas parce qu'il n'y met que son intelligence. Tout poète pourra donc se révéler homme d'esprit quand il lui plaira. Il n'aura rien besoin d'acquérir pour cela. Il aurait plutôt à perdre quelque chose. Il lui suffirait de laisser ses idées converser entre elles, pour rien, pour le plaisir. Il n'aurait qu'à desserrer le double lien qui maintient ses idées en contact avec ses sentiments et son âme en contact avec la vie. Enfin, il tournerait à l'homme d'esprit s'il ne voulait plus être poète par le cœur aussi, mais seulement par l'intelligence. Mais si l'esprit consiste en général à voir les choses sub spesque theatri, on conçoit qu'il puisse être plus particulièrement tourné vers une certaine variété de l'art dramatique, la comédie. De là un sens plus étroit du mot, le seul qui nous intéresse d'ailleurs au point de vue de la théorie du rire. On appellera cette fois esprit une certaine disposition à esquisser en passant des scènes de comédie, mais à les esquisser si discrètement, si légèrement, si rapidement, que tout est déjà fini quand nous commençons à nous en apercevoir. Quels sont les acteurs de ces scènes? À qui l'homme d'esprit a-t-il affaire? D'abord, à ses interlocuteurs eux-mêmes, quand le mot est une réplique directe à l'un d'eux. Souvent à une personne absente dont il suppose qu'elle a parlé et qui lui répond. Plus souvent encore à tout le monde, je veux dire au sens commun, qu'il prend à partie en tournant au paradoxe une idée courante ou en utilisant un tour de phrase accepté, en parodiant une citation ou un proverbe. Comparez ces petites scènes entre elles, vous verrez que ce sont généralement des variations sur un thème de comédie que nous connaissons bien, celui du voleur volé. On saisit une métaphore, une phrase, un raisonnement, et on les retourne contre celui qui les fait ou qui pourrait les faire, de manière qu'il ait dit ce qu'il ne voulait pas dire et qu'il vienne lui-même en quelque sorte se faire prendre au piège du langage. Mais le thème du voleur volé n'est pas le seul possible. Nous avons passé en revue bien des espèces de comiques. Il n'en est pas une seule qui ne puisse s'aiguiser en trait d'esprit. Le mot d'esprit se prêtera donc à une analyse dont nous pouvons donner maintenant, pour ainsi dire, la formule pharmaceutique. Voici cette formule. Prenez le mot, épaississez-le d'abord en scène jouée, cherchez ensuite la catégorie comique à laquelle cette scène appartiendrait, vous réduirez ainsi le mot d'esprit à ses plus simples éléments et vous aurez l'explication complète. Appliquons cette méthode à un exemple classique. « J'ai mal à votre poitrine », écrivait Madame de Sévigné à sa fille malade. Voilà un mot d'esprit. Si notre théorie est exacte, il nous suffira d'appuyer sur le mot, de le grossir et de l'épaissir pour le voir s'étaler en scène comique. Or, nous trouvons précisément cette petite scène toute faite dans « L'amour médecin » de Molière. Le faux médecin clitandre, appelé pour donner ses soins à la fille de Sganarelle, se contente de tâter le pouls à Sganarelle lui-même, après quoi il conclut sans hésitation, en se fondant sur la sympathie qui doit exister entre le père et la fille, « Votre fille est bien malade ». Voilà donc le passage effectué du spirituel au comique. Il ne nous reste plus alors, pour compléter notre analyse, qu'à chercher ce qu'il y a de comique dans l'idée de porter un diagnostic sur l'enfant après auscultation du père ou de la mère. Mais nous savons qu'une des formes essentielles de la fantaisie comique consiste à nous représenter l'homme vivant comme une espèce de pantin articulé, et que souvent, pour nous déterminer à former cette image, on nous montre deux ou plusieurs personnes qui parlent et agissent comme si elles étaient reliées les unes aux autres par d'invisibles ficelles. N'est-ce pas cette idée qu'on nous suggère ici en nous amenant à matérialiser, pour ainsi dire, la sympathie que nous établissons entre la fille et son père? On comprendra alors pourquoi les auteurs qui ont traité de l'esprit ont dû se borner à noter l'extraordinaire complexité des choses que ce terme désigne, sans réussir d'ordinaire à le définir. Il y a bien des façons d'être spirituel, presque autant qu'il y en a de ne l'être pas. Comment apercevoir ce qu'elles ont de commun entre elles si l'on ne commence par déterminer la relation générale du spirituel au comique? Mais, une fois cette relation dégagée, tout s'éclaircit. Entre le comique et le spirituel, on découvre alors le même rapport qu'entre une scène faite et la fugitive indication d'une scène à faire. Autant le comique peut prendre de forme, autant l'esprit aura de variétés correspondantes. C'est donc le comique, sous ses diverses formes, qu'il faut définir d'abord, en retrouvant, ce qui est déjà assez difficile, le fil qui conduit d'une forme à l'autre. Par là même, on aura analysé l'esprit, qui apparaîtra alors comme n'étant que du comique volatilisé. Mais suivre la méthode inverse, chercher directement la formule de l'esprit, c'est aller à un échec certain. Que dirait-on du chimiste qui aurait les corps à discrétion dans son laboratoire et qui prétendrait ne les étudier qu'à l'état de simples traces dans l'atmosphère? Mais cette comparaison du spirituel et du comique nous indique en même temps la marche à suivre pour l'étude du comique de mots. D'un côté, en effet, nous voyons qu'il n'y a pas de différence essentielle entre un mot comique et un mot d'esprit. Et d'autre part, le mot d'esprit, quoique lié à une figure de langage, évoque l'image confuse ou nette d'une scène comique. Cela revient à dire que le comique du langage doit correspondre point par point au comique des actions et des situations et qu'il n'en est, si l'on peut s'exprimer ainsi, que la projection sur le plan des mots. Revenons donc au comique des actions et des situations. Considérons les principaux procédés par lesquels on l'obtient. Appliquons ces procédés au choix des mots et à la construction des phrases. Nous aurons ainsi les formes diverses du comique de mots et les variétés possibles de l'esprit. 1. Se laisser aller, par un effet de raideur ou de vitesse acquise, à dire ce qu'on ne voulait pas dire ou à faire ce qu'on ne voulait pas faire. Voilà, nous le savons, une des grandes sources du comique. C'est pourquoi la distraction est essentiellement risible. C'est pourquoi aussi l'on rit de ce qu'il peut y avoir de raide, de tout fait, de mécanique enfin dans le geste, les attitudes et même les traits de la physionomie. Ce genre de raideur s'observe-t-il aussi dans le langage ? Oui, sans doute, puisqu'il y a des formules toutes faites et des phrases stéréotypées. Un personnage qui s'exprimerait toujours dans ce style serait invariablement comique. Mais pour qu'une phrase isolée soit comique par elle-même, une fois détachée de celui qui la prononce, il ne suffit pas que ce soit une phrase toute faite. Il faut encore qu'elle porte en elle un signe auquel nous reconnaissions, sans hésitation possible, qu'elle a été prononcée automatiquement. Et ceci ne peut guère arriver que lorsque la phrase renferme une absurdité manifeste, soit une erreur grossière, soit surtout une contradiction dans les termes. De là cette règle générale, on obtiendra un mot comique en insérant une idée absurde dans un moule de phrases consacrées. « Ce sabre est le plus beau jour de ma vie », dit M. Prudhomme. Traduisez la phrase en anglais ou en allemand, elle deviendra simplement absurde, de comique qu'elle était en français. C'est que « le plus beau jour de ma vie » est une de ces fins de phrases toutes faites auxquelles notre oreille est habituée. Il suffit alors, pour la rendre comique, de mettre en pleine lumière l'automatisme de celui qui la prononce. C'est à quoi l'on arrive en y insérant une absurdité. L'absurdité n'est pas ici la source du comique. Elle n'est qu'un moyen très simple et très efficace de nous le révéler. Nous n'avons cité qu'un mot de M. Prudhomme, mais la plupart des mots qu'on lui attribue sont faits sur le même modèle. M. Prudhomme est l'homme des phrases toutes faites. Et comme il y a des phrases toutes faites dans toutes les langues, M. Prudhomme est généralement transposable, quoiqu'il soit rarement traduisible. Quelquefois, la phrase banale, sous le couvert de laquelle l'absurdité passe, est un peu plus difficile à apercevoir. « Je n'aime pas à travailler entre mes repas », a dit un paresseux. Le mot ne serait pas amusant s'il n'y avait ce salutaire précepte d'hygiène « il ne faut pas manger entre ses repas ». Quelquefois aussi, l'effet se complique. Au lieu d'un seul moule de phrases banales, il y en a deux ou trois qui m'emboîtent l'un dans l'autre. Soit par exemple ce mot d'un personnage de la biche. Il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer son semblable. On semble bien profiter ici de deux propositions qui nous sont familières. C'est Dieu qui dispose de la vie des hommes et c'est un crime pour l'homme que de tuer son semblable. Mais les deux propositions sont combinées de manière à tromper notre oreille et à nous donner l'impression d'une de ces phrases qu'on répète et qu'on accepte machinalement. De là une somnolence de notre attention que tout à coup l'absurdité réveille. Ces exemples suffiront à faire comprendre comment une des formes les plus importantes du comique se projette et se simplifie sur le plan du langage. Passons à une forme moins générale. 2. Nous rions toutes les fois que notre attention est détournée sur le physique d'une personne alors que le moral était en cause. Voilà une loi que nous avons posée dans la première partie de notre travail. Appliquons-la au langage. On pourrait dire que la plupart des mots présentent un sens physique et un sens moral, selon qu'on les prend au propre ou au figuré. Tout mot commence en effet par désigner un objet concret ou une action matérielle. Mais peu à peu le sens du mot a pu se spiritualiser en relation abstraite ou en idée pure. Si donc notre loi se conserve ici, elle devra prendre la forme suivante. On obtient un effet comique quand on affecte d'entendre une expression au propre alors qu'elle était employée au figuré. Ou encore, dès que notre attention se concentre sur la matérialité d'une métaphore, l'idée exprimée devient comique. Tous les arts sont frères. Dans cette phrase, le mot « frère » est pris métaphoriquement pour désigner une ressemblance plus ou moins profonde. Et le mot est si souvent employé ainsi que nous ne pensons plus, en l'entendant, à la relation concrète et matérielle qu'une parenté implique. Nous y penserions déjà davantage si l'on nous disait « tous les arts sont cousins ». Parce que le mot « cousin » est moins souvent pris au figuré. Aussi ce mot se teindrait-il ici d'une nuance comique légère. Allez maintenant jusqu'au bout. Supposez qu'on attire violemment notre attention sur la matérialité de l'image, en choisissant une relation de parenté incompatible avec le genre des termes que cette parenté doit unir. Vous aurez un effet risible. C'est le mot bien connu attribué encore à M. Prudhomme. Tous les arts sont sœurs. Il court après l'esprit, disait-on devant Boufflers d'un prétentieux personnage. Si Boufflers avait répondu « il ne l'attrapera pas », c'eût été le commencement d'un mot d'esprit, mais ce n'en eût été que le commencement, parce que le terme « attraper » est pris au figuré presque aussi souvent que le terme « courir », et qu'il ne nous contraint pas assez violemment à matérialiser l'image de deux coureurs lancés l'un derrière l'autre. Voulez-vous que la réplique me paraisse tout à fait spirituelle ? Il faudra que vous empruntiez au vocabulaire du sport un terme si concret, si vivant, que je puisse m'empêcher d'assister pour tout de bon à la course. C'est ce que fait Boufflers, je parie pour l'esprit. Nous disions que l'esprit consiste souvent à prolonger l'idée d'un interlocuteur jusqu'au point où il exprimerait le contraire de sa pensée, et où il viendrait à se faire prendre lui-même, pour ainsi dire, au piège de son discours. Ajoutons maintenant que ce piège est souvent aussi une métaphore ou une comparaison, dont on retourne contre lui la matérialité. On se rappelle ce dialogue entre une mère et son fils dans « Les faux bons hommes ». « Mon ami, la bourse est un jeu dangereux. On gagne un jour et l'on perd le lendemain. » « Eh bien, je ne jouerai que tous les deux jours. » Et dans la même pièce, l'édifiante conversation de deux financiers. « Est-ce bien loyal ce que nous faisons là ? Car enfin, ces malheureux actionnaires, nous leur prenons l'argent dans la poche. Et dans quoi voulez-vous donc que nous le prenions ? » Aussi obtiendra-t-on un effet amusant quand on développera un symbole ou un emblème dans le sens de leur matérialité, et qu'on affectera alors de conserver à ce développement la même valeur symbolique qu'à l'emblème. Dans un très joyeux vaudeville, on nous présente un fonctionnaire de Monaco dont l'uniforme est couvert de médailles, bien qu'une seule décoration lui ait été conférée. « C'est, dit-il, que j'ai placé ma médaille sur un numéro de la roulette, et comme ce numéro est sorti, j'ai eu droit à 36 fois ma mise. » N'est-ce pas un raisonnement analogue que celui de Giboyer dans Les Effrontés ? On parle d'une mariée de 40 ans qui porte des fleurs d'oranger sur sa toilette de noces. « Elle aurait droit à des oranges, dit Giboyer. » Mais nous n'en finirions pas si nous devions prendre une à une les diverses lois que nous avons énoncées et en chercher la vérification sur ce que nous avons appelé le plan du langage. Nous ferons mieux de nous en tenir aux 3 propositions générales de notre dernier chapitre. Nous avons montré que des séries d'événements pouvaient devenir comiques, soit par répétition, soit par inversion, soit enfin par interférence. Nous allons voir qu'il en est de même des séries de mots. Prendre des séries d'événements et les répéter dans un nouveau ton ou dans un nouveau milieu, ou les intervertir en leur conservant encore un sens, ou les mêler de manière que leurs significations respectives interfèrent entre elles, cela est comique, disions-nous, parce que c'est obtenir de la vie qu'elle se laisse traiter mécaniquement. Mais la pensée, elle aussi, est chose qui vit. Et le langage, qui traduit la pensée, devrait être aussi vivant qu'elle. On devine donc qu'une phrase deviendra comique si elle donne encore un sens en se retournant, ou si elle exprime indifféremment 2 systèmes d'idées tout à fait indépendants, ou enfin si on l'a obtenue en transposant une idée dans un ton qui n'est pas le sien. Telles sont bien en effet les 3 lois fondamentales de ce qu'on pourrait appeler la transformation comique des propositions, comme nous allons le montrer sur quelques exemples. Disons d'abord que ces 3 lois sont loin d'avoir une égale importance en ce qui concerne la théorie du comique. L'inversion est le procédé le moins intéressant, mais il doit être d'une application facile, car on constate que les professionnels de l'esprit, dès qu'ils entendent prononcer une phrase, cherchent si l'on n'obtiendrait pas encore un sens en la renversant, par exemple en mettant le sujet à la place du régime et le régime à la place du sujet. Il n'est pas rare qu'on se serve de ce moyen pour réfuter une idée en termes plus ou moins plaisants. Dans une comédie de la biche, un personnage crie au locataire d'au-dessus qui lui salit son balcon « Pourquoi jetez-vous vos pipes sur ma terrasse ?» À quoi la voix du locataire répond « Pourquoi mettez-vous votre terrasse sous mes pipes ?» Mais il est inutile d'insister sur ce genre d'esprit, on en multiplierait trop aisément les exemples. L'interférence de 2 systèmes d'idées dans la même phrase est une source intarissable d'effets plaisants. Il y a bien des moyens d'obtenir ici l'interférence, c'est-à-dire de donner à la même phrase 2 significations indépendantes qui se superposent. Le moins estimable de ces moyens est le calembour. Dans le calembour, c'est bien la même phrase qui paraît présenter deux sens indépendants, mais ce n'est qu'une apparence. Il y a en réalité deux phrases différentes composées de mots différents qu'on affecte de confondre entre elles en profitant de ce qu'elles donnent le même son à l'oreille. Du calembour, on passera d'ailleurs par gradations insensibles au véritable jeu de mots. Ici, les deux systèmes d'idées se recouvrent réellement dans une seule et même phrase, et l'on a affaire aux mêmes mots. On profite simplement de la diversité de sens qu'un mot peut prendre, dans son passage surtout du propre au figuré. Aussi ne trouvera-t-on souvent qu'une nuance de différence entre le jeu de mots d'une part et la métaphore poétique ou la comparaison instructive de l'autre. Tandis que la comparaison qui instruit et l'image qui frappe nous paraissent manifester l'accord intime du langage et de la nature envisagés comme deux formes parallèles de la vie, le jeu de mots nous fait plutôt penser à un laisser-aller du langage qui oublierait un instant sa destination véritable et prétendrait maintenant régler les choses sur lui au lieu de se régler sur elle. Le jeu de mots trahit donc une distraction momentanée du langage et c'est d'ailleurs par là qu'il est amusant. Inversion et interférence, en somme, ne sont que des jeux d'esprit aboutissant à des jeux de mots. Plus profond est le comique de la transposition. La transposition est en effet au langage courant ce que la répétition est à la comédie. Nous disions que la répétition est le procédé favori de la comédie classique. Elle consiste à disposer les événements de manière qu'une scène se reproduise, soit entre les mêmes personnages dans de nouvelles circonstances, soit entre des personnages nouveaux dans des situations identiques. C'est ainsi qu'on fera répéter par les valets, en langage moins noble, une scène déjà jouée par les maîtres. Supposez maintenant des idées exprimées dans le style qui leur convient et encadrées ainsi dans leur milieu naturel. Si vous imaginez un dispositif qui leur permette de se transporter dans un milieu nouveau en conservant les rapports qu'elles ont entre elles, ou en d'autres termes, si vous les amenez à s'exprimer en un tout autre style et à se transposer en un tout autre ton, c'est le langage qui vous donnera cette fois la comédie. C'est le langage qui sera comique. Point ne sera besoin d'ailleurs de nous présenter effectivement les deux expressions de la même idée, l'expression transposée et l'expression naturelle. Nous connaissons l'expression naturelle, en effet, puisque c'est celle que nous trouvons d'instinct. C'est donc sur l'autre, et sur l'autre seulement, que portera l'effort d'invention comique. Dès que la seconde nous est présentée, nous suppléons de nous-mêmes la première. D'où cette règle générale, on obtiendra un effet comique en transposant l'expression naturelle d'une idée dans un autre ton. Les moyens de transposition sont si nombreux et si variés, le langage présente une si riche continuité de tons, le comique peut passer ici par un si grand nombre de degrés, depuis la plus plate bouffonnerie jusqu'aux formes les plus hautes de l'humour et de l'ironie, que nous renonçons à faire une énumération complète. Il nous suffira, après avoir posé la règle, d'en vérifier de loin en loin les principales applications. On pourrait d'abord distinguer deux tons extrêmes, le solennel et le familier. On obtiendra les effets les plus gros par la simple transposition de l'un dans l'autre. De là, deux directions opposées de la fantaisie comique. Transpose-t-on en familier le solennel ? On a la parodie. Et l'effet de parodie ainsi défini se prolongera jusqu'à des cas où l'idée exprimée en termes familiers est de celle qui devrait, ne fût-ce que par habitude, adopter un autre ton. Exemple, cette description du lever de l'aurore cité par Jean-Paul Richter. Le ciel commençait à passer du noir au rouge, semblable à un homard qui cuit. On remarquera que l'expression de choses antiques en termes de la vie moderne donne le même effet à cause de l'auréole de poésie qui entoure l'antiquité classique. C'est sans aucun doute le comique de la parodie qui a suggéré à quelques philosophes, en particulier à Alexandre Bain, l'idée de définir le comique en général par la dégradation. Le risible naîtrait quand on nous présente une chose, auparavant respectée, comme médiocre et vile. Mais si notre analyse est exacte, la dégradation n'est qu'une des formes de la transposition, et la transposition elle-même n'est qu'un des moyens d'obtenir le rire. Il y en a beaucoup d'autres, et la source du rire doit être cherchée plus haut. D'ailleurs, sans aller aussi loin, il est aisé de voir que si la transposition du solennel en trivial, du meilleur en pire, et comique, la transposition inverse peut l'être encore davantage. On la trouve aussi souvent que l'autre, et l'on pourrait, semble-t-il, en distinguer deux formes principales selon qu'elles portent sur la grandeur des objets ou sur leur valeur. Parler des petites choses comme si elles étaient grandes, c'est, d'une manière générale, exagérer. L'exagération est comique quand elle est prolongée et surtout quand elle est systématique. C'est alors, en effet, qu'elle apparaît comme un procédé de transposition. Elle fait si bien rire que quelques auteurs ont pu définir le comique par l'exagération, comme d'autres l'avaient défini par la dégradation. En réalité, l'exagération, comme la dégradation, n'est qu'une certaine forme d'une certaine espèce de comique, mais c'en est une très frappante. Elle a donné naissance au poème héroïque-comique, genre un peu usé sans doute, mais dont on retrouve les restes chez tous ceux qui sont enclins à exagérer méthodiquement. On pourrait dire de la vantardise, souvent, que c'est par son côté héroïque-comique qu'elle nous fait rire. Plus artificielle, mais plus raffinée aussi, est la transposition de bas en haut qui s'applique à la valeur des choses et non plus à leur grandeur. Exprimer honnêtement une idée malhonnête, prendre une situation scabreuse ou un métier bas ou une conduite vile et les décrire en termes de stricte respectabilité, cela est généralement comique. Nous venons d'employer un mot anglais. La chose elle-même, en effet, est bien anglaise. On en trouverait d'innombrables exemples chez Dickens, chez Thackeray, dans la littérature anglaise en général. Notons-le en passant, l'intensité de l'effet ne dépend pas ici de sa longueur. Un mot suffira parfois, pourvu que ce mot nous laisse entrevoir tout un système de transposition accepté dans un certain milieu et qu'il nous révèle en quelque sorte une organisation morale de l'immoralité. On se rappelle cette observation d'un haut fonctionnaire à un de ses subordonnés dans une pièce de Gogol. Tu voles trop pour un fonctionnaire de ton grade. Pour résumer ce qui précède, nous dirons qu'il y a d'abord deux termes de comparaisons extrêmes, le très grand et le très petit, le meilleur et le pire, entre lesquels la transposition peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, en resserrant peu à peu l'intervalle, on obtiendrait des termes à contraste de moins en moins brutal et des effets de transposition comique de plus en plus subtils. La plus générale de ces oppositions serait peut-être celle du réel à l'idéal, de ce qui est à ce qui devrait être. Ici encore, la transposition pourra se faire dans les deux directions inverses. Tantôt, on énoncera ce qui devrait être en feignant de croire que c'est précisément ce qui est, en cela consiste l'ironie. Tantôt, au contraire, on décrira minutieusement et méticuleusement ce qui est, en affectant de croire que c'est bien là ce que les choses devraient être. Ainsi procède souvent l'humour. L'humour, ainsi défini, est l'inverse de l'ironie. Elles sont l'une et l'autre des formes de la satire, mais l'ironie est de nature oratoire, tandis que l'humour a quelque chose de plus scientifique. On accentue l'ironie en se laissant soulever de plus en plus haut par l'idée du bien qui devrait être. C'est pourquoi l'ironie peut s'échauffer intérieurement jusqu'à devenir, en quelque sorte, de l'éloquence sous pression. On accentue l'humour, au contraire, en descendant de plus en plus bas, à l'intérieur du mal qui est, pour en noter les particularités avec une plus froide indifférence. Plusieurs auteurs, Jean-Paul, entre autres, ont remarqué que l'humour affectionne les termes concrets, les détails techniques, les faits précis. Si notre analyse est exacte, ce n'est pas là un trait accidentel de l'humour, c'en est, là où il se rencontre, l'essence même. L'humoriste est ici un moraliste qui se déguise en savant, quelque chose comme un anatomiste qui ne ferait de la dissection que pour nous dégoûter. Et l'humour, au sens restreint où nous prenons le mot, est bien une transposition du moral en scientifique. En rétrécissant encore l'intervalle des termes qu'on transpose l'un dans l'autre, on obtiendrait maintenant des systèmes de transposition comique de plus en plus spéciaux. Ainsi, certaines professions ont un vocabulaire technique. Combien n'a-t-on pas obtenu d'effets risibles en transposant dans ce langage professionnel les idées de la vie commune? Également comique est l'extension de la langue des affaires aux relations mondaines. Par exemple, cette phrase d'un personnage de Labiche faisant allusion à une lettre d'invitation qu'il a reçue. « Votre amicale du 3 de l'écoulé. » et transposant ainsi la formule commerciale « votre honoré du trois courant ». Ce genre de comique peut d'ailleurs atteindre une profondeur particulière quand il ne décèle plus seulement une habitude professionnelle, mais un vice de caractère. On se rappelle les scènes des faux bonshommes et de la famille Benoiton, où le mariage est traité comme une affaire et où les questions de sentiment se posent en termes strictement commerciaux. Mais nous touchons ici au point où les particularités de langage ne font que traduire les particularités de caractère, et nous devons en réserver pour notre prochain chapitre l'étude plus approfondie. Ainsi qu'il fallait s'y attendre, et comme on a pu voir par ce qui précède, le comique de mots suit de près le comique de situation, et vient se perdre avec ce dernier genre de comique lui-même dans le comique de caractère. Le langage n'aboutit à des effets risibles que parce qu'il est une œuvre humaine, modelée aussi exactement que possible sur les formes de l'esprit humain. Nous sentons en lui quelque chose qui vit de notre vie, et si cette vie du langage était complète et parfaite, s'il n'y avait rien en elle de figé, si le langage, enfin, était un organisme tout à fait unifié, incapable de se scinder en organismes indépendants, il échapperait au comique comme y échapperait d'ailleurs aussi une âme à la vie harmonieusement fondue, unie, semblable à une nappe d'eau bien tranquille. Mais il n'y a pas d'étang qui ne laisse flotter des feuilles mortes à sa surface, pas d'âme humaine sur laquelle ne se posent des habitudes qui la raidissent contre elle-même, en la raidissant contre les autres. Pas de langue, enfin, assez souple, assez vivante, assez présente tout entière à chacune de ses parties, pour éliminer le tout fait et résister ainsi aux opérations mécaniques d'inversion, de transposition, etc., qu'on voudrait exécuter sur elle comme sur une simple chose. Le raide, le tout fait, le mécanique, par opposition au souple, au continuellement changeant, au vivant, la distraction par opposition à l'attention, enfin l'automatisme par opposition à l'activité libre. Voilà en somme ce que le rire souligne et voudrait corriger. Nous avons demandé à cette idée d'éclairer notre départ au moment où nous nous engagions dans l'analyse du comique. Nous l'avons vu briller à tous les tournants décisifs de notre chemin. C'est par elle maintenant que nous allons aborder une recherche plus importante et nous l'espérons plus instructive. Nous nous proposons, en effet, d'étudier les caractères comiques, ou plutôt de déterminer les conditions essentielles de la comédie de caractère, mais en tâchant que cette étude contribue à nous faire comprendre la vraie nature de l'art, ainsi que le rapport général de l'art à la vie.